Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la bataille des plaines d'Abraham. Les seuls gens qui ont remporté la palme d'honneur sur les plaines d'Abraham, ça a été les 300 francs-tireurs de la milice canadienne. Puis on n'a jamais écrit leur nom parce que c'était pas des Français. On n'a pas écrit leur nom. Il y en a des centaines qui sont morts à empêcher les Français de se faire tuer par les Anglais. Alors, on n'a pas été battus sur les plaines d'Abraham. Les Français ont été battus sur les plaines d'Abraham. Le 13 septembre 1759, c'est le début de la fin pour la Nouvelle-France avec cette défaite de la bataille des plaines d'Abraham. Qui est responsable de cette défaite? Les Français, comme le dit l'ancien sénateur libéral Laurier Lapierre dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Montcalm lui-même, qui décide de sortir de Québec pour affronter les Anglais sur les plaines sans attendre les renforts. Ou la milice canadienne, qui se présente complètement désorganisée devant les troupes britanniques. Chose certaine, le résultat est net. Québec tombe en septembre, Montréal quelques mois plus tard, et le traité de Paris en 1763 signe l'arrêt de mort définitif de la Nouvelle-France. Hello, racing fans! Bonjour, éventail de course! C'est un départ? It's a go! Les Français foncent les premiers, de French are foncing first. Montcalm en tête du peloton, Montcalm at the head of the platoon. Il tire des shoots dans le beurre and the butter. Montcalm, Montcalm recule, backs up with his gang avec sa bunch. Il est en beau joual vert, he's a nice green horse. Il prend le mort aux dents, he takes the dead by the teeth. The soldiers of Wolfe, les soldats de Tilou, les étripes, they are tripping them. Les Français les jaunes, the French laugh yellow. Ils sont au coton, they're at the cotton. Oh, mon calme est tiré, my calm is pulled. Il dit merde, he says merde. He is badly hurt, il est mal à manger. Il a trois balles, he has three balls. Il dies, il meurt, il dit wah, il says. La bataille des plaines d'Abraham à la manière des cyniques, sketch qui date de 1968, pour nous raconter un peu plus sérieusement cette fameuse bataille des plaines d'Abraham. L'historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Laurent Turcot. Laurent, le choix des cyniques de raconter cette bataille-là à la manière d'une description de course de chevaux, il y a au moins deux clins d'œil là-dedans. Évidemment, le côté bilingue, hein, l'aspect biculturel bilingue qui est un héritage de la conquête, et puis la vitesse d'une course de chevaux, la vitesse à laquelle va se dérouler cette bataille. Moi, j'ai beaucoup souvent entendu dire que ça s'était passé en 20 minutes, cette affaire-là. C'est de la légende, ça aussi, c'est vrai. Ben, vous aurez compris qu'on n'avait pas de chronomètre au 18e siècle, et il est difficile d'évaluer le temps que ça a duré. Mais il est vrai que par rapport à une bataille normale en France comme en Europe, qui peuvent durer plusieurs jours, ça a été rapide. Quelques minutes, quelques heures, le temps nous manque, mais c'est vrai que ça a été rapide. Et je pense que les cyniques, qui, soit dit en passant, je le rappelle, sont beaucoup plus historiens que votre premier extrait qui tombe dans une espèce de négationnisme et de révisionnisme. Laurier Lapierre. Oui, que je dirais qu'il est dangereux quand même. Oui, parce que de fait, on y reviendra, mais quand il dit « ce sont les Français qui ont perdu la bataille des plaines », c'est un peu court. Bien, surtout que la notion de nationalisme serait à revoir dans ses guides et dans ses cadres à lui. Bon. Mais ce qui va nous intéresser, parce que là, vous avez évoqué cet aspect-là, l'aspect mémoriel sur lequel on va revenir, mais ce qui nous intéresse, nous, les historiens, dans un premier temps, c'est de savoir ce qui s'est passé véritablement, parce qu'on a tellement écrit sur la bataille des plaines d'Abraham, le fameux 20 minutes, que les Français étaient complètement ivres quand ils se sont présentés à la bataille. Replaçons les cartes et essayons de comprendre ce qui s'est passé. Le contexte plus large d'abord, parce que c'est important, c'est la guerre de 7 ans, qui aura un enjeu propre à l'Amérique du Nord. On y vient dans un instant, mais en un mot quand même, Laurent Turcot, de quoi on parle quand on parle de cette guerre de 7 ans? Mais la guerre de 7 ans s'inscrit dans un processus beaucoup plus grand qui oppose la France et l'Angleterre dans ce qu'on appelle la seconde guerre de 100 ans, qui va grossièrement de la fin du 17e siècle de Louis XIV jusqu'à Napoléon Bonaparte en 1815. Et là, c'est toute une série de guerres qui émaillent la France et l'Angleterre pour la domination mondiale. Parce qu'on le sait, les deux ont des empires, coloniaux, mais aussi des empires commerciaux. Et l'idée, c'est de savoir qui va dominer. Et la guerre de sept ans, qui se déroule de 1756 à 1763, va être le point tournant qui va faire de l'Angleterre le leader mondial, colonial et commercial. Et chez nous, en terre d'Amérique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est l'enjeu de cette guerre de sept ans sur le continent nord-américain? Bien, le continent nord-américain, représentez-vous la chose, les 13 colonies qui vont grossièrement de la bande atlantique qui donne des États-Unis actuels, qui comptent 1,6 million de personnes, tandis que la Nouvelle-France, qui va du Golfe du Mexique jusqu'environ un peu avant la baie d'Hudson, compte 70 000 personnes. Et comme les colonies britanniques sont contraintes par l'étendue du territoire de la Nouvelle-France, on veut pousser, on veut aller chercher ce territoire, mais plus encore, on veut dominer commercialement. La bataille de Québec, venons-y tout de suite, ça oppose d'abord deux hommes, il faut le rappeler, si on veut être schématique, là, mais ça oppose le général Wolfe, James Wolfe, et le marquis de Montcalm. On écoute un extrait d'entrevue accordée par Andrew Wolfe Burroughs, qui est un descendant donc de James Wolfe, et qui vante dans cet extrait tiré du documentaire de Jacques Godbout, Le sort de l'Amérique, réalisé en 1996, qui vante les mérites de son aïeul. Il me semble, après tout, malgré les questions historiques que General Wolfe, en comparaison avec lui, les leaders d'aujourd'hui sont des nains. Il a inspiré les soldats, il a transformé une armée de voyous dans une force formidable. C'était un homme imaginatif, c'était un homme à pensée latérale qui a imaginé des solutions inattendues. C'était un homme qui préférait l'honneur à l'argent. C'était un homme qui se tenait au centre de la bataille avec ses confrères. Et tout cela me semble admirable, même aujourd'hui. Il va, et puis on y reviendra, mais il va mourir d'ailleurs, James Wolfe, sur ce champ des plaines d'Abraham. Qui est James Wolfe, Laurent Turcot? Alors, James Wolfe, c'est un jeune général de début de la trentaine qui, avouons-le, est représenté par ses collègues comme étant, ou ses compatriotes comme étant souvent quelqu'un de vaniteux, quelqu'un qui veut faire un coup. Ambitieux. Et c'est un noble, oui, tout à fait, qui veut montrer ce dont il est capable. Et quand il est nommé par la couronne britannique pour attaquer la Nouvelle-France, parce qu'il va y avoir différentes colonnes qui vont se rendre, notamment à Montréal, qui vont prendre Louisbourg, qui vont essayer, qui vont faire Ticonderoga aussi. Et quand Wolfe est nommé, il va écrire à la couronne, il écrit « J'aurais plaisir, je l'avoue, à voir la vermine canadienne saccagée, pillée et justement rétribuée de ses cruautés inouïes. Ouais. » Donc, dans sa tête, il y a une idée en tête, c'est-à-dire réduire la puissance française en Amérique, ce qu'il appelle ici les Canadiens. Ouais, déterminé, ça c'est certain. Devant lui, face à lui, le marquis de Montcalm. Qui est-il? Quelle fonction occupe-t-il, de fait, dans cette Nouvelle-France de l'époque? Ben, Montcalm a été donné, pourrait-on dire, à la Nouvelle-France comme étant un des très grands généraux qui a fait la guerre un peu partout en Europe, qui arrive ici avec une manière très européenne de faire la guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les guérillas ou les raids à l'amérindienne. Lui, il prend pas vraiment goût. Lui, l'idée n'est pas de question de gagner ou de perdre, mais de le faire selon les formes. Mmh. On doit conserver son honneur de soldat et pour lui, c'est fondamental. Et il va très vite s'opposer à un autre individu, un autre noble, Vaudreuil, qui lui est né à Québec. Qui a été gouverneur de la Louisiane et lui comprend très bien la manière dont ça se passe en Amérique et il voit Montcalm arriver, il se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? » Il risque d'avoir deux défaites, une pour la France et une pour les Canadiens. Donc là, il y a un problème. Quand je dis pour la France et pour les Canadiens, j'entends la France qui a son empire et les Canadiens, ceux qui sont ici depuis 3, 4, 5 générations, mais qui sont, par la force des choses, français malgré tout. La bataille des plaines d'Abraham, c'est le 13 septembre 1759, mais la bataille de Québec, Laurent Turcot, elle va s'échelonner sur quelques mois. Fin juin, ça commence à peu près à la fin juin, les Anglais s'installent devant Québec, à la pointe Lévis. Exactement. Ils arrivent, disons quand même, ils arrivent avec 39 000 soldats, considérant que la Nouvelle-France seulement contient 70 000 personnes. Mais là, on dit d'ailleurs, ça y est, c'est plié. Pas encore, parce que Québec, vous le savez, quand vous y allez aujourd'hui, c'est une position forte relevée avec ce cap diamant qu'on pense imprenable. Ouais. Et on compte à Québec 15 000 hommes avec des Amérindiens. Donc on se dit, ben finalement, tout ce qu'il faut, c'est non pas attaquer les Britanniques, mais les attendre. Et Wolfe... Ne pas sortir de Québec. Ne pas sortir tenir de Québec. En attendant que l'hiver arrive, en fait. Exactement. Et quand Wolfe s'installe, il va s'installer juste au nord de la chute Montmorency. Quand je dis au nord, c'est vers l'ouest. Et il va s'établir là et il va essayer de faire sortir Montcalm de ses positions retranchées. Les positions retranchées, comme l'armée en entier ne rentre pas dans les villes de Québec, ça va être à Beauport. Toute l'armée française va y être. Et comme Wolfe n'arrive pas à faire sortir Montcalm, il va détruire toutes les plus belles fermes de la côte de Beaupré. La grande dévastation de la région de Québec, c'est, oui, certes, la ville de Québec, on va y venir dans quelques instants, mais surtout la côte de Beaupré. Quand vous allez à, par exemple, la Malbaie en partant de Québec, vous longez ce chemin du roi, tout ça, ça a été détruit. Et bien sûr, l'arrière des terres. Mais vous l'avez dit, la Pointe-Lévis. Parce qu'une fois qu'on a détruit les terres de la côte de Beaupré, et on cette va... destruction, c'est aussi pour faire sortir Montcalm. Là, parce que c'est de la sauvagerie, mais Montcalm ne sort pas. Tout à fait. Donc, parce il qu'on se replie. On est dans une guerre de position. Et l'idée, c'est de, est-ce qu'on va être capable de démener l'autre, de le faire sortir pour le prendre à revers? Alors, on revient donc du côté de Wolfe sur la Pointe-Lévis. Et là, vraiment... C'est le début du pillage, des bombardements, mais intensifs. Jour et nuit, on bombarde la ville de Québec à n'en plus finir. Et d'ailleurs, vous trouvez encore aujourd'hui des boulets de canon, des fois, qui ressortent. D'ailleurs, dans des rues de Québec, vous voyez des boulets de canon qui ont été mangés presque par des arbres parce qu'ils sont ressortis de la terre. Mais 80% de la ville est détruite. Et là, on se dit, ça y est, c'est fini. Pas du tout. Les remparts sont intacts. L'endroit où on stocke la poudre, là où on stocke les munitions, là où on stocke l'artillerie, reste intact. Et pire, le moral des gens de la ville de Québec semble rester intact. Donc, Wolfe se dit, que dois-je faire? Que dois-je faire pour faire sortir Montcalm, pour détruire, réduire à néant cette population qui ne veut pas, en plus, de l'Empire britannique? Eh bien, il va falloir faire quelque chose d'extraordinaire. Chargé, essayer de prendre la ville. Il va commencer d'abord parce que les plaines, ce sera la troisième tentative. Il y en aura deux précédentes. La première, c'est près de la rivière Montmorency. Exactement. Qui va être un échec cuisant parce que Montcalm, voyant qu'il essaie... Donc à l'est de Québec. Exactement. Qui va essayer de débarquer. Ça ne fonctionne pas. Et là, mon Dieu, Montcalm, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il attend. Il dit, je connais le terrain et Vaudreuil va l'aider. Bougainville, qui est avec lui, qui plus tard va faire le tour du monde, qui est l'aide de camp, lui aussi se dit, il ne reste qu'à attendre. L'hiver s'en vient. Et on le sait, l'hiver canadien à l'époque, il y avait moins de réchauffement climatique, était beaucoup plus cru, beaucoup plus mordant. Donc, il reste à attendre. Et là, les mois passent. Et Wolfe ne voit pas la fin de la chose. Et le moral des troupes britanniques, entendons-nous, commence à décliner, mais sérieusement. Donc, il y aura une tentative, une deuxième, dans le coin de Neuville. Ça marchera pas plus. Ça, c'est du côté de l'ouest, je pense. Exactement. Le fameux blé d'Inde de Neuville. Voilà. Et puis, Wolfe, un peu en désespoir de cause, comme vous le disiez à l'instant, dit, écoutez, on joue le tout pour le tout, parce que c'est un peu fou, son idée. On passe par Lance au Foulon. C'est quoi le plan? Parce que là, il faut voir qu'il y a... C'est une falaise qu'il faut gravir pour atteindre les plaines d'Abraham. Ah, c'est complètement fou. Quand vous y allez aujourd'hui, c'est le boulevard Champlain. Et juste en dessous de Lance-au-Foulon, vous regardez l'escarpement du Cap Diamant. Mais représentez-vous 4800 hommes qui traversent le fleuve Saint-Laurent depuis Lévis avec des pièces d'artillerie qu'on démonte, qu'on va hisser jusqu'en haut des plaines d'Abraham, et on fait ça en pleine nuit, entre la nuit du 12 et du 13 septembre. C'est un projet complètement fou. Et je vous dirais que, du point de vue militaire, c'est un suicide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de position de repli. Soit on gagne, soit on est anéanti. Et de fait, Montcalm, paraît-il, n'en croit pas ses oreilles quand on lui dit, ben ça y est, ils sont arrivés en haut, ils sont sur les plaines, et quand ils arrivent, les Anglais sur les plaines, ça donne ce qui suit. Je m'arrêtai un moment avec Monsieur le Marquis de Montcalm qui me dit « Nous ne pouvons pas éviter le combat. Si nous lui donnons le temps de s'établir, nous ne pourrons jamais l'attaquer avec l'espèce de troupe que nous avons. » Montcalm ordonne aux troupes d'avancer. La bataille des plaines d'Abraham commence vers les 10 heures. C'est une manœuvre classique. L'armée de Montcalm, en colonne massive, dévalera la pente et brisera la mince ligne britannique. Mais la troupe française est mal coordonnée et presque tout de suite, elle commet une première erreur. Dans la confusion, quelqu'un a donné l'ordre de tirer. Prêtez vos armes ! On joue ! Extrait de la série télé Le Canada, une histoire populaire. Au début de l'extrait, Laurent Turcot, on entend Montcalm qui dit « J'ai pas le choix, il faut que je passe à l'attaque, il faut que je sorte de Québec ». Cette décision-là, je sais qu'il y a un grand débat encore aujourd'hui. Est-ce que c'était une erreur? Mais en tout cas, pourquoi Montcalm décide-t-il de sortir, d'affronter les Anglais sur les plaines? Alors, du point de vue de la logique militaire, mais telle qu'on l'entend au 18e siècle, plusieurs autres officiers auraient pris la même décision. Parce que Wolfe est devant les remparts de Québec et il arrive avec l'artillerie, c'est-à-dire des canons, et il peut menacer de détruire les remparts de Québec, ce dont je doute personnellement parce que vous les avez vus, les remparts de Québec, qui sont extrêmement massifs. Et la question qu'on se pose, c'est quels canons les Britanniques ont-ils pu hisser jusque-là? Est-ce de l'artillerie légère ou de l'artillerie lourde? On plaide pour l'artillerie légère, donc aucune menace pour les remparts. Pourquoi donc sortir? Eh bien, c'est d'autant qu'il y a des renforts possibles pas très loin. Là. Il attend 2 heures, il reçoit 2000 hommes de plus. Là, il y a 4600 hommes environ sous sa gouverne. On a de la difficulté à mesurer ce qu'on sait de ce qu'on ne sait pas, mais chose sûre, il décide de passer à l'action. Ouais. Peut-être parce qu'il veut faire un coup de force, parce que l'année précédente, il avait fait une victoire magnifique à Ticonderoga en 1758, et on avait dit de lui qu'il était le sauveur du Canada. Peut-être est-ce parce qu'il voulait faire foi de ce titre et montrer qu'il allait encore être le sauveur du Canada. Dans l'extrait, on dit aussi que bon, il y a une erreur de commise, on ouvre le feu, puis on parle de la désorganisation des troupes françaises, des milices canadiennes, entre autres. Dans quelle mesure c'est vrai, ça? Et comment ça se déroule concrètement? Là, il faut se représenter un peu la chose. Vous avez les Français devant et les Britanniques de l'autre. Qu'est-ce que c'est que la guerre au 18e siècle? Premièrement, vous avez souvent 3 rangées de soldats. Et pour que le feu soit efficace, on doit faire ce qu'on appelle une salve. C'est-à-dire qu'il y a un mur de balles qui rentre et là, ça a un effet psychologique. Mais pour le faire, il faut être à distance raisonnable. C'est-à-dire, si on l'a fait la salve de trop loin, ben elle est ratée et là, c'est l'ennemi qui nous rentre dedans. Si, et là, comme on a entendu dans l'extrait, si on donne l'ordre de tirer avant la chose, ben là, la salve est complètement ratée et c'est ce qui va arriver ici. La salve canadienne et la salve française vont être les deux ratées complètement. Mais c'est pas fini. Parce que là, maintenant que les Français ont joué leur carte... C'est au tour des Britanniques. Au tour des Britanniques. Et les Britanniques, que font-ils? Eh bien, ils avancent au pas et ils font la salve. Et la salve est parfaite. Mais là arrive la grande division. Pourquoi? Parce que dans l'armée française, vous avez des Canadiens qui sont habitués à faire la guerre à l'amérindienne et les soldats français qui, eux, quand ils reçoivent la salve, ne bougent pas. Mais que fait le Canadien, lui, à la méthode amérindienne, quand une salve lui rentre en plein visage? Ben, il se couche. Et une fois que la salve britannique est passée, tous les Canadiens se baissent. Les Français, voyant que tous les Canadiens se sont baissés, ils se sont dit « ça y est, ils sont tous morts ». Partent en repli, les Canadiens se relèvent, se disent « qu'est-ce qui se passe? Les Français sont en train de replier, eux-mêmes sont en train de replier. » Les Britanniques se disent « c'est la désorganisation complète, rentrons dans le tas. » Et là, s'ensuit ce dont vous avez parlé en ouverture en parlant des fameuses 20 minutes. C'est pas tant les 20 minutes qui sont importantes que la désorganisation complète. Et là, doit-on accuser Montcalm? En partie parce qu'il n'a pas utilisé efficacement les Canadiens à la technique amérindienne. Ce que font les autres généraux, ce que fait Vaudreuil, ce que va faire Lévy également, qui eux comprennent que on est en Amérique. C'est son purisme, peut-être qu'il l'a perdu au fond dans cette bataille. Peut-être, parce qu'il disait toujours, et souvenez-vous de cette phrase, il n'est pas question de perdre ou de gagner, mais de le faire selon les formes. Ouais. Et là, la forme n'était pas respectée. Et mieux vaut perdre de cette manière-là en se retirant. Mais heureusement pour lui, il va recevoir une balle en plein cœur et il va mourir. Donc, il ne verra pas, comme il l'a dit, les Anglais dans Québec. Les deux vont mourir, Montcalm à l'intérieur des murs de Québec le lendemain de la bataille, tout je pense. Et Wolfe, tout de suite, là, il aura quand même le bonheur pour lui de... On l'informe, ça y est, on a gagné la bataille avant que Wolfe meure sur les plaines de la Baranne. Eh oui, là, il dit, je peux... C'est la légende. Oui, la légende le veut. Mais avouons que, du côté britannique, on va faire de Wolfe un monument. On va le hisser au titre de héros, alors que Montcalm, entendons-nous, si on dit Montcalm héros, plusieurs Canadiens français grincent des dents et même en France, on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'il est plutôt le symbole de la défaite canadienne plus que de la victoire de Ticonderoga que j'évoquais tout à l'heure. Donc, Laurent Turcot, résultat, la bataille des plaines est perdue. Québec, techniquement, n'est pas encore perdu, mais finalement, on va, d'une certaine manière, le laisser aux Anglais. Oui, tout à fait, parce que celui qui est maintenant en charge, le chevalier de Lévis, va donner... Qui remplace Montcalm. Exactement, qui remplace Montcalm, va donner les clés de la ville au chevalier de Ramsay, qui, lui, va capituler. Et là, Lévis va se dire, mais mon Dieu, mais c'est, il est inouï que l'on rende une place sans qu'elle soit ni attaquée, ni investie. Mm-hmm. Mais Québec est aux Anglais. Donc, Lévis retourne vers Montréal, concentre ses troupes et entend bien réattaquer. Oui. Ce qu'il fera. Ce qu'il fera, la bataille de Sainte-Foy en 1760. Et là, ça va être une victoire magnifique parce que Lévis sait utiliser les Amérindiens, les Canadiens et les Français de manière complètement unie. Et ça va être une magnifique victoire. Ça, c'est au printemps. Tout à fait. Et à ce moment-là, tout redevient dans la tête de Lévis. En tout cas, tout redevient possible. On attend, parce que là, les Anglais sont assiégés, sont dans Québec, mais on les a entourés. Hein, c'est le contraire des plaines qui viennent de se produire. Et on attend les renforts de la France. Exactement. Quand les Français arrivent, ça y est. On reprend Québec. On se dit le bateau qui va arriver dans le port de Québec, le prochain bateau, va décider de l'issue de la bataille. Un bateau français devait partir de France en février, mais le ministre de la Marine va dire « Écoutez, non, on va attendre un peu. » Il ne part finalement qu'au mois de mai. Ce qui fait que quand le bateau arrive dans le golfe du Saint-Laurent, il est poursuivi par la Royal Navy, il est abattu. Ce qui fait que le bateau porte l'Union Jack britannique. Et là, Lévis se dit, c'en est fini. Il se replie sur Montréal, qui est assiégé par 28 000 hommes. Donc, c'est une question. Les carottes sont cuites. Montréal tombe tout de suite. Montréal tombe. Il casse son épée, Lévis. Il fait brûler les drapeaux. Il dit, hors de question que je donne au général Amherst le fruit de mon travail de soldat. Et il signe la capitulation de Montréal, qui est la fin, techniquement, du Canada français. Il en reste quoi? Vous enseignez l'histoire dans les salles de classe, dans notre imaginaire collectif. Il en reste quoi de cette fameuse défaite de la bataille des plaines de la Barre? Ben, vous avez dit défaite. Certains vont dire victoire. Il en reste que, justement, c'est un terreau politique extrêmement riche dont on ne finit plus de le tirer à gauche et à droite. Et on peine à commémorer ce moment. Est-ce qu'en 2009, on a commémoré la bataille des plaines d'Abraham? Absolument pas. Il y a tellement eu des débats qui ont déchiré. L'histoire, ici, reste plaie ouverte et chaque regard qu'on y porte est le sel qu'on y dépose. Mmh. Et probablement qu'il faudrait faire appel à des historiens professionnels pour recadrer et recontextualiser les choses. Question de perspective toujours, dans un pays qui est devenu, on boucle la boucle, mais bilingue, biculturel, parce que... Peut-on parler de conquête? En tout cas, traditionnellement, on le faisait. Eh bien oui, et même je vous dirais que chez les Français, c'est la guerre de 7 ans. Pour nous, c'est la guerre de la conquête. Et pour les Américains, c'est « The French and Indian War ». Le terme est référentiel. De là, parler de conquête, oui, c'est vrai, c'est une conquête britannique. Mais est-ce que c'est une défaite pour autant? Ça, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et je pense qu'on a gagné beaucoup à replacer cette guerre de 7 ans dans un contexte plus large pour la comprendre. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter et de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.